Donc vous pouvez toujours appeler au 0800 23 08 5000 et 0800 70 5000. Je t'explique là, tu parles beaucoup trop vite, vas-y doucement. Si vous voulez toujours nous appeler pour continuer le débat, pour assister au débat, donc au 0800 30 08 5000 et 0800 70 5000 et le 3615 code Fun Radio, rubrique direct. Et on va accueillir Alexandra, bonsoir. Bonsoir Alexandra. Alexia. Alexia. Oui, bonsoir Gérard, ça va? Bonsoir, ça va, merci. Aurélie, bonsoir. Salut Gérard. Jean-Daniel, bonsoir. Ouais, salut Gérard, ça va, j'espère que t'es pas trop énervé quand même. Bon bah ça y est, c'est bon, ça pourra, ça ira mieux après, on verra. Je vais dire avec toi. Ouais, ouais, c'est pas grave. Oui, t'inquiète pas, on saura qui s'amuse à faire des conneries sur mon dos et t'inquiète pas, ça s'arrêtera pas là. Ouais, on est pas là pour ça. Sport Billy, bonsoir. Salut Trouduc, Gérard. Ouais, tu es. Eh, déjà, tu vas commencer par être poli. Non, non, désolé, je me suis laissé emporter. Non, moi je te dis tout de suite, t'as intérêt d'être poli. Ok. Ok, okay. Sinon, tu vas retourner voir la crapette au standard, d'accord? Ouais, bien joué, ok. Et on accueille Alpha. Ouais, salut, je ramasse. Hein? Oh, Alpha, on se réveille, s'il te plaît. Hein? On se réveille. Ouais, mais ça y est, je suis réveillé, Gérard, la menace. Ouais, bah alors, tu commences pas, d'accord? Ok, ok, super. Bon, alors on avait la question des transports en commun. Ouais. Alors, Vas-y. Alors, pour ou contre les transports en commun? Contre. Pour. Et pour quelle raison? Pour. Pourquoi t'es contre? Contre. Bah, comment on compte? Pourquoi t'es contre? Pour. Non, mais donnez vos noms. C'est Alexandra qui a dit contre. Pourquoi Alexandra? Parce que je trouve que franchement ça pue. Contre. Ah ouais, ça chlingue les égouts. Mmh. Bon, du calme là les. Ouais, parler, on se calme derrière s'il vous plaît. Pour. Non. Bon, ouais, toi t'arrêtes parce que tout à l'heure tu vas faire ouais, pour, non, tu vas aller voir au standard si j'y suis. Ouais, bien joué. Contre. Non, oui, contre, oui. Et pour quelle raison contre? Qui est contre? C'est Alexandra. Ouais, Alexandra. Bah tu nous as dit parce que ça pue, c'est ça? Oui. Bon, qui c'est encore contre? Oh les mecs là, vous vous réveillez s'il vous plaît. Ok, super. Bon alors toi tu comment lequel Gérard? Bah je sais pas, tu les prends tous les trois, tu leur dis qu'ils se réveillent parce que c'est pas bon comme ça. On est réveillés, ouais, super. Ouais, on est réveillés, ouais. Bon bah Gérard, je te laisse t'occuper un peu des filles, je reprends les mecs, hein. Ouais. Parce qu'ils commencent à me brouter les mecs. Ah, ok, ouais, t'as raison Gérard. Allez, Alexia. Oui. T'es pour ou contre toi? Pour. Et pourquoi? Bah des fois t'as pas trop de choix, hein. Mm-hmm. Quand t'as pas de permis, tu ouais, exactement. Contre. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est sûr que... On est contre. Et pour quelle raison contre? Contre, bah je sais pas... La pollution, il y a trop de monde aussi. Hein. Ah ouais, il y a trop de monde, c'est ouais, vrai. Ouais, on peut pas s'asseoir dans les trains. Ouais, mais ça... attends, maintenant, si, maintenant, les... Non, les Gérard, de toute manière, dans les rames, dans les nouvelles, il y aura de moins en moins de place assis. Hein. Ouais, mais maintenant, c'est des doubles étages, hein, donc on peut quand même s'asseoir les sur... Les garçons sont calmés, ouais, ils reviennent. On peut charger plus. Hein. Bon, alors, Jean-Daniel, pour, qui gueulait tout à l'heure, là, qui était contre, là. Non, moi, je disais rien, mais en fait, moi, je suis carrément contre, parce que moi, je dis que tout le monde devrait être en mobylette, moi, je suis en mobylette. Ouais, tout le monde en mobylette dans la ouest. Et je trouve ça hyper chiant que les bus et tout, ils aient des places réservées, des lignes et tout, pour rouler, ouais, parce que moi, j'ai même pas une ligne pour rouler, alors je vois pas pourquoi... Non, mais attends. Jean-Daniel. Jean-Daniel. Ouais. Je vais te dire une chose. Je sais pas du quel côté que t'habites. Ouais. Hein? Mais je vais te dire une chose qu'à l'heure actuelle, si tu fais bien attention maintenant, il y a des trucs qui sont réservés pour les mobilettes. Ne dis pas qu'il y en a pas, c'est faux. Il y en a. Il y en a, je te dis. Sur Paris, il y en a. Parce que t'as une mobilette, toi? Non, j'ai pas de mobilette. Eh ben là, je sais d'abord. Parce que je vais souvent dans Paris et je sais que dans Paris, il y en a. Et sur les Champs-Élysées, il y en a qui sont réservés pour les mobilettes. C'est pas vrai. Gérard, t'es un menteur. Où est-ce qu'il y a des trucs pour mobilettes? Dans Paris, sur l'avenue Charles sur l'avenue de la Grande Armée, c'est des trucs, il y a des trucs réservés aux mobilettes. Ouais, sur 10 mètres aussi. Non, c'est tout le long. C'est tout le long jusqu'à la place de la Concorde, à part le tunnel, je sais plus où. Gérard, faut pas confondre avec les trottoirs. Non, mais attends. Hein, on parle pas des trottoirs, on parle des emplacements réservés pour les mobilettes. Même s'il y a des trucs réservés sur les Champs-Élysées, il y en a pas assez dans les autres rues, quoi. Et puis c'est dégueulasse que les bus ils en aient, puis pas les mobilettes. Ouais, voilà. Mais ça c'est normal. C'est logique même. C'est tout à fait normal que les bus, ils aillent leur truc qui soit réservé. Hein. Mais non, parce que si tout le monde prenait des mobilettes, il y aurait moins d'essence dépensée. Ouais, il y a moins d'essence, au contraire. Il y aurait plus de pollution. Dans une mobilette, il faut mettre de l'essence, c'est comme dans une voiture. Ouais, mais il y en a vachement moins que dans un bus quand même. Ouais. Et ben, c'est trop mais attends, les bus maintenant, ils sont électriques. Mais n'importe quoi, les bus, ils sont automatiques. Les bus sont automatiques, je suis désolé. Et moi, la mobilette, elle a pédale. Et alors ? Attends, les bus sont pas automatiques. Si, sur Suresnes, maintenant, ils sont tous automatiques. Ouais, sur Suresnes, mais pas sur Paris, je te dis. Ah, sur Paris, si. Il y a une grande partie. Hein. Ah, si, maintenant, ils sont tous les derniers Renault qui sont sortis. Ouais, il y en a un de 70. De quoi ? Et il n'y a pas que Paris et Suresnes en France. Ouais. Mais alors, mais sur Marseille aussi, sur Lyon, sur Lyon aussi, sur... Tu arrêtes de dire n'importe quoi, t'es pas... Attends, mais oh, j'étais à Lyon, je sais ce que j'ai. On va s'énerver, Gérard, arrête de dire n'importe quoi. J'étais à Lyon, je sais ce que j'ai, Lascar. Déconne pas, Gérard. Déjà, tu m'appelles pas Lascar et tu restes tranquille. Non, ouais, mais attends, si je veux, je t'appelle comme je veux, si t'es pas content, tu restes chez toi. Si tu veux qu'on te respecte, tu nous respectes. Eh ben, je vous ai pas insulté, alors je vous respecte, ok. Lascar, c'est une insulte. Non, attends, si tu le prends comme ça, mon pote, tu vas chez toi. Hein. Tu restes tranquille, Lascar. Et tu l'appelles pas mon pote, Gérard. Allez, on y va, là, on y va, on passe à la deuxième. Il y en a même d'autres qu'on parait. Et Marcel, il en pense quoi? Ben Marcel, d'une manière, il a répondu comme moi. Hein. Ah, les bus électriques, ça existe, hein, de plus en plus maintenant. Hein. Parle plus près de ton micro. Tu peux nous expliquer, Marcel, un peu comment ça fonctionne? Ben, c'est des bus électriques qui marchent, on met dans une prise, puis voilà, ça roule. Il y a quand même un chauffeur. Ah, il y a un chauffeur. Ouais. Mmh. Donc c'est des bus électriques ou les bus automatiques? Électriques et automatiques. Ah, il y a les deux, c'est quoi la différence? Et derrière, s'il vous plaît, les filles, on se calme. Je suis en train de parler. La différence entre les deux, c'est quoi? La différence entre les deux, c'est quoi, électrique et automatique? Oui, c'est vrai, ouais. Électrique, bon, en fait, bon, tu recharges la prise de courant, tu recharges ton bus. Ouais. Et automatique, c'est la conduite assistée, tout ça. C'est une boîte automatique. Ouais, mais électrique, les fils, ça s'emmène. Ils n'ont pas changé les vitesses. Ça ne peut pas exister des bus électriques automatiques. Ouais. Parce qu'il y a, c'est que... Il y en a encore partout, hein. Ouais, non, malheureusement, on sera la dernière roue du carrosse à être équipée de ce système-là. C'est malheureux à dire. Ouais, ok. Qui c'est qui disait que ça s'en mêlait souvent, là? C'est qui? Aurélie. Oui, ben... Ouais, je sais que ça s'en mêle, mais maintenant, c'est avec des bars. Il y a des bars, ouais. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, ils ont des bars qui viennent directement et qui sont reliés sur les trucs. Hein. Est-ce qu'ils sortent de l'alcool? Comment? Gérard, explique-toi, je comprends rien. Est-ce qu'ils sortent de l'alcool dans les bars? Il y a des bars pour que le bus roule. Ouais, mais attends, je comprends pas le principe. C'est pas parce qu'il y a un bar qui... Il y a des bars télescopiques. Ah, des barres télescopiques. Oh, non, mais attendez, jouez pas ceux qui comprennent rien, hein, ça voudra mieux. Attends, Gérard, le standard, on se calme 30 secondes, et Gérard, tu vas nous expliquer ce qu'est un bar télescopique, ou peut-être Marcel, puisque Marcel travaille dans les transports en commun, d'après ce que j'ai compris. Mmh. Marcel, si tu sais ce que c'est qu'un bar télescopique. Un bar télescopique, hein. C'est quoi? Une barre télescopique. Explique-nous ce que c'est, Marcel, s'il te plaît. C'est les bars pour se tenir debout, là. Non, les barres télescopiques pour les bus électriques qu'on veut. C'est ce qu'il a sur les... comme les tramways. Ah, qui sont reliés avec... Voilà. Okay. Voilà, fallait préciser. Comme dans un circuit de voitures électriques. Voilà, comme les voitures tamponneuses, si tu veux. Voilà, ça y est, vous avez compris maintenant. On passe à la deuxième. C'est Gérard qui s'est mal expliqué. Voilà, merci. Très bien. Comme d'habitude. Si ça te plaît pas, mon pote, tu vas voir au sommet si je suis. C'est bon, tu restes tranquille. Déjà, je suis pas ton pote. Non, mais attends. Je ne serai pas de pote. Déjà, vous allez vous calmer, là, les mecs. Ok, super. Bon, d'accord. Tu te calmes, on se calme. Il n'y a pas de problème. Voilà, tu te calmes. On est cool. C'est bon. On commence pas. Vas-y, enchaîne, Gérard. Allez, pourquoi prenez-vous... Pourquoi pensez-vous que le bus... Vas-y, refais. Pourquoi prenez-vous le bus ou le métro? Bah, déjà, on peut ne pas le prendre aussi. Pour aller à l'école, pour aller au travail, ouais. Pour le plaisir, pour draguer, pour baiser. Tout à fait. J'adore la réponse de celui qui vient de dire ça, je voudrais bien savoir qui c'est. Qui baisse dans les métros. Ouais, les métros ou dans les bus. Pourquoi tu dis ça, Gérard? Après 10 heures, tout le monde baisse dans le métro. Ouais. Non, mais soyez gentils. Soyez gentils, donnez vos noms quand vous parlez. C'est Sport Billy. Oui. Parce que moi, avant, je sortais des trucs de mon sac jaune et... Non, c'est, franchement, tout le monde baisse dans le métro, quoi. Mais pas dans le bus aussi. Non, c'est déjà un peu difficile. Hein. Ouais. Je crois d'ailleurs, Marcel, que t'as une anecdote à ce sujet-là. Ah bah, j'ai déjà fait ça là-dedans. Oh. Bah, raconte, vas-y, explique-nous, tu travaillais comme quoi à l'époque? Ouais, bah, je peux le dire, alors. Oui, vas-y. Bah, j'étais maître chez RATP, moi. Voilà. Et qu'est-ce que t'as fait dans le métro? Oh, wow. Des tas de trucs. T'as niqué dans le métro? Ouais, dans les tunnels, dans les rames. Avec des copines à toi? Eh, t'as pris ton pied, Marcel? Ouais, bah, je sais pas. Du coup, t'avais un chien qui sniffait. Qui la cochonne qui intéressait, là? C'était un fantasme ou tu faisais ça comme ça? C'était courant? C'était courant dans le métier? Assez courant, oui. C'est vrai. Mmh. Eh, bah, dis donc. La chaleur. Eh, bah, dis donc, bah, méfiez-vous quand vous prenez le métro. Après la fermeture. On voit des murs et des pas murs dans les métros. Hein. Des murs et des pas murs. Ok, ouais. Gérard, super. Des vertes aussi, peut-être. Des vertes et des pas murs. Ouais, des vertes et des pas murs. Et ça, c'est souvent que je vois, quand j'ai l'occasion de prendre le métro pour me rendre quelque part, et ben, je vais vous dire une chose que les nanas, quand même. Disons que dans le métro, il y a des petites provocatrices. Ouais, ouais. Alexandra, je t'aime. N'est-ce pas, Gérard? Ah, moi aussi, je t'aime. Bon, c'est bon, là, les déclarations d'amour, vous les faites après. Moi aussi, je t'aime. Les déclarations d'amour, vous les faites après. Ouais, c'est vrai, putain, je t'aime. Moi, ouais, tu es jaloux. Connais, franchement. Gérard, t'es jaloux, hein. Non, juste une chose. Apparemment, Marcel disait que Gérard avait aussi vécu ce genre de choses. Vous faites allumer par les filles dans les métros, Gérard? Tu t'es fait allumer? Non. Est-ce que tu t'es déjà fait brancher par des filles dans le bus de sur? Non. Gérard, contrat. Non. Quel numéro de bus? Quel numéro de bus? Non, même pas. Il y a une machiniste que j'ai trouvé sympa. Bon, ben, que je revois plus sur ma ligne, c'est dommage. Tu es avec elle, Gérard? Non. Pourquoi tu fais te coucher? Ouais, c'est bon, alors là! Là, on est pas clair! C'est Gérard. Qui vient de dire ça? C'est une meuf. C'est Aurélie? Eh ben Aurélie, tu vas voir. Tu retournes voir Gaël au standard. Aurélie, tu retournes au standard voir Gaël. Tu retournes! Aurélie! Tu retournes voir au standard! Mais garde-la, je sais! Là, on a dit la loco. La semaine dernière, on avait dit que la loco, il y en avait ras-le-bol. Aurélie, elle a recommencé ce soir. Un repart au standard. Terminé, point final à la ligne. Je ne veux pas le savoir, Aurélie. Aurélie, t'as dit une connerie. Gérard, Aurélie, mets-toi à genoux. Ça y est, je suis à genoux. Non, mais Aurélie, c'est toi qui as commencé. Alors, dans ce cas-là, je veux pas le savoir. Gratis, Louise Touquet. Ok. Tu sens, Gérard? Ouvre la bouche. Ok. C'est clair et net. On enchaîne sur la prochaine question. Ouais, c'est la question numéro 4, je crois. Et Marcel va la poser. Pensez-vous que les nanas doivent être moins découvertes dans le métro? Bah oui. Quoi? Tu peux répéter la question, s'il te plaît. Tu peux répéter, s'il te plaît. Pensez-vous que les nanas devraient être moins découvertes? Ah non, Moins découvertes? Non. Ben oui, genre. Ça veut dire quoi, moins découvertes pour vous? C'est-à-dire qu'il y a des jupes plus courtes? Ouais, moins courtes. Ouais, moins courte que ce qu'on voit à l'heure actuelle dans les bus ou dans les métros. Ouais, parce qu'on n'a pas besoin de voir leurs culottes. Besoin de voir leurs culottes quand elles mettent leurs jambes en tailleur. Parce qu'après, t'as la gaule. Tout à fait. Et si, parce qu'après, dans les métros et dans les bus, je peux vous dire une chose que. Et dans les métros, il y a des provocatrices aussi qui sont spécialistes là-dedans. Hein. Ouais, mais on met la main, on se prend quelque chose dans la gueule, puis c'est bon. Le machiniste dans les bus, il se régale avec les rétroviseurs qu'il a. Ouais, c'est des machines. Ouais, ben, c'est quoi un machiniste? C'est celui qui conduit les bus. Et on dit conducteur de bus, on dit pas de machiniste. Alors, un machiniste, hein. Ouais, ah bon, bah, c'est ça. Ben, dis donc, mon vrai. On va leur attaper, les gars. Ouais, il faudra peut-être. C'est un machiniste, un conducteur de bus. On n'est pas là à attaper, les gars. Gérard, je pense qu'il faudrait que tu gères un petit peu ton débat et qu'il serait intéressant d'avoir la réaction des filles à ce sujet. Et d'ailleurs, justement, au niveau des réactions des filles, nouvelle venue, Florence, donc qui remplace Aurélie. Bonsoir, Florence. Bonsoir, Florence. Salut, cochonne. Oh, tu restes poli ou sinon tu vas voir Gaël au standard aussi, toi. Ok, super. Salut, Gruche. Bon, alors les mecs, vous retournez voir. Vous retournez au standard, je veux pas le savoir. C'est bon, Gérard, prends pas la gueule. On voulait faire un petit peu d'humour, c'est bon. Mais non, mais un peu d'humour en étant poli. Ah, bon, bah, excuse, on le refera plus, pardon. Bah, j'espère. On le refait plus, surtout. Voilà. Bon, ben, madame. Ce serait sympa. Posez la question. La question. Alors, pensez-vous que les nanas devraient être moins découvertes? Ah, non, pas du tout. C'est-à-dire qui? C'est Alexandra qui parle. Oui, Alexandra. Je dis que déjà, il y a trop de mateurs dans tout ça. Donc, ouais. Si en plus, si on le découvre, ça va pas le faire. Ouais, mais de toute manière, il faut dire une chose que vous le faites pas non plus. Vous le faites un peu exprès de nous faire voir vos culottes. Hein, Et puis quand on met la main, on se prend quelqu'un dans la gueule. Vous les voyez, hein. Ouais, puis souvent, quand on met une main, on se prend des tartes. Ok, super. Et alors, t'aimes pas ça, gros pot? Ouais, t'aimes ça, prendre des claques. Oh non. Pour l'instant, je vais te dire une chose, que celle qui va me mettre une claque, elle est pas encore née. Oh, arrête. Hein, elle est pas encore née, la nana qui veut me mettre une barre. Non, c'est vrai. Gérard, Gérard, il est tellement con que quand on le traite de l'infomane... Alors attends, hey, je vais te dire une chose. Hey, le mec qui m'a traité de con, tu sais ce que je te réponds? Ouais, et qu'avec un con comme moi, on s'amuse, avec un con comme toi, on se fait chier. Celle-là, faut arrêter de la sortir. Ouais, Gérard. Alors, dans ce cas-là, vous avez qu'à être poli. Si vous voulez que je sois poli, vous restez poli envers moi, ok? Non, mais super. Bon. Alors, Alexia. Oui. À toi. Ouais, bah moi je suis pas d'accord avec toi parce que on fait pas tout exprès de t'habiller en cours hein, pour être maté ou pour te faire draguer quoi. Mm-hmm. Ouais, après il y a des vislards comme Gérard qui regardent, c'est ouais, dégueulasse. Ouais, c'est logique hein. Bah, de toute manière, ça, vous nous souhaitez voir assez, hein. Ouais, non, mais attends, il y a Greg sans Minitel. Attendez, s'il vous plaît, il y a une question Minitel. Greg sans Minitel qui voulait savoir si ça t'était déjà arrivé de mater les filles. Mais Gérard, il fait que ça, Mathé. Florence, oui. Tu attends 5 minutes, je réponds à la question de Greg sur Minitel. Si je me suis fait. Si t'as maté les filles, les sous les jupes des filles. Oh, bah, ça, régulièrement, oui. Courant, hein. Voilà. Régulièrement, on en voit assez comme ça, hein, maintenant. Donc, t'es vicieux. Bah oui, bah, vicieux. Vous avez qu'à pas nous provoquer aussi, ouais, nous, Nana. C'est vous qui nous provoquez, alors attendez. On va quand même se rincer l'œil gratuit aussi, à force que vous nous provoquez. Oui, Florence. Mais ouais, Florence, c'est vrai, je t'écoute. Regarder. Non, attends, mais t'as un journal dans les mains plutôt que de regarder sous la jupe du fils. Ouais, des filles, tu regardes ton journal, puis basta. Ouais, voilà. On fait un trou dans le journal, hein, puis on regarde. Hein. Florence, si vous voulez réagir. Et ça se prend pour un poète. Bon, c'est bon, là, les mecs. Hein. Vous la permettez quand Florence veut réagir, s'il vous plaît. Ouais, mais tu restes poli aussi. Ouais, oh. Non, mais tu restes poli. Bon, alors, tu vas voir au standard si j'y suis, toi. Okay, allez, hop, super. Bonne nuit. Moi, je voulais dire, dans les magasins, ils vendent plus que des mini-jupes, donc on peut que s'habiller comme ça. Attends, tu vas pas acheter des mini-jupes pour provoquer les spéciales, pour faire de la provocation dans le métro ou dans le bus. J'ai d'acheter ça. Bah ouais, mais et non, mais il y a quand même... Gérard. Oui. C'est pas parce qu'on porte une mini-jupe qu'on provoque, hein. Voilà, exactement. Parce que pour votre plaisir que vous portez des mini-jupes. Non, mais attendez. Eh, Florence. Oui. De manière, ça, c'est le deuxième débat, hein. Ok, bon. Ok. Ah ouais, la tenue vestimentaire. Après, c'est les tenues vestimentaires. Et on attaque la cinquième. Pourquoi que les bus roulent moins vite que les métros? Parce que c'est la circulation, tête de bif. Hey, tu restes poli, ta tête de con. On peut rien faire contre la technologie. Hein. Le bus, c'est la conduite manuelle et le métro, c'est conduite automatique. Ouais, exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a des métros automatiques électriques? Ils sont tous électriques, de toute manière. Ouais, et les métros roulent à quelle vitesse en général? 40, 50. Sur la ligne 1, ils sont chouettes. Hein. Et les RER? Les RER, c'est beaucoup plus loin, c'est considéré comme la SNCF. Qui c'est qui me demande? C'est Alexandra. Oui, Alexandra. Qu'est-ce que tu préfères prendre, bus ou train? Moi, je préfère le... La trottinette. Aucun. Tu vois, je préfère marcher à pied. Tu préfères quoi? Je préfère marcher à pied. C'est normal, marcher à pied. Oui. Alexandra. Oui. Tu vois, de toute manière, dans le bus, t'es une certaine clientèle, et dans le métro, c'est une autre clientèle. Ça a rien à voir. Dans le bus, c'est bon, genre. Tu prends le bus, c'est pas la même place. C'est quoi la différence? Il n'y a aucun rapport avec la question, désolé. C'est quoi la différence, Marcel, entre la clientèle du bus et la clientèle du métro? Dans le métro, t'as des cons comme Gérard. Marcel, réponds à ma question, s'il te plaît. Ouais, vous restez poli, s'il vous plaît. Bon, disons que le bus, c'est une certaine classe de personnes qui prennent pas le métro, et ils se prennent à cause de... Bah, s'ils prennent le bus, non, ils prennent pas le métro, non. Oui, c'est sûr. Et c'est des gens qui sont plus chics, c'est quoi la différence? Ouais, c'est pas des filles avec des jupes à la touffe. Ah non, voilà. D'accord. Quoique... Quoique, oui, ça dépend. À part les lignes de banlieue, hein, je peux... Question d'après. Ah, voilà. Alors, la question... La question d'après... C'est pas normal. Pourquoi les gens de banlieue sont différents des autres? Ouais, c'est vrai, ça. Je peux poser la question, va mettre... Ouais, ça serait bien, Gérard. Je vais poser la question, va mettre un disque et on se retrouve après. Ok, super. Ok, super. Alors, pourquoi que les nanas nous font voir leurs culottes? Voilà. Parce que les mecs aiment ça. Non, mais c'est bon, vous réfléchissez. Ouais, et qu'ils se font dans le métro. Voilà. Donc, oui, Alexandra? Oui, non, rien. Non, qui c'est qui voulait réagir? Non, rien de spécial pour l'instant. C'est quoi le disque? C'est la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Ah, change un peu d'expression, Gérard, c'est un peu vieux là. Ouais. Voilà. Eh, Gérard, comme ça, vous êtes au courant du disque. Eh, Gérard, ça. Il y a Boss sur Minikel qui voudrait savoir, Gérard, si t'as déjà conduit des bus. Il y a Lily qui dit qu'elle aimerait bien écarter les cuisses avec sa jupe courte devant toi. Alors, Lily, dans ce cas-là, elle est d'où, Lily? Elle est d'où, là? J'approche ma tête pour lui faire équilibrer. 66. Le département 66, c'est, ça fait loin. Hein. Ça fait loin. Hein. C'est Perpignan, c'est loin. Eh, bon. Je suis pas loin, moi, je veux bien faire pareil. Qui? Alexandra. Eh ben, si tu veux, tu viens à la radio, Alexandra. Comment? Tu viens à la radio? D'accord, pas de problème. Bah tu viens, on t'attend alors. Ok, bah okay, je t'attends, mais... Alexandra, ne me déçois pas. Ouais. Alexandra est très prisée, je vois. T'es quand même un cochon, Gérard. Ouais, bah, Alexandra, pourquoi tu veux pas venir maintenant? Alexandra! Oui? Pourquoi tu veux pas venir maintenant? Bah parce que je peux pas, j'ai 17 ans et mes parents ne veulent pas que je sorte. Oh bah alors 17 ans, moi je peux pas avoir des problèmes non plus de détournement de mineurs. Donc on va mettre... Je pense que tu peux annoncer la question d'après d'abord. Donc la question d'après, c'est pourquoi t'en... Pourquoi tant de monde dans les métros aux heures de pointe? Donc on va se quitter le temps du disque avec Staguignol. Allez, va. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, mais c'est pas grave, vous allez écouter. On se retrouve juste après. Suivi d'œil. Et le disque là, c'est Je te tiens. Je te tiens par... La barbichette. Voilà, à tout à l'heure. Réfléchissez à la question. À tout de suite. Gérard, je voudrais juste que tu me dises, c'est quoi ce disque? C'est Donne-moi ma chance, c'est... C'est super. C'est bébé, je sais pas, c'est ce qu'on m'a prêté, c'est ce qu'on m'a offert, donc... voilà, c'est Donne-moi ma chance, en fin de compte. Bon, tu rappelles la dernière question? Alors, la septième, donc, c'est pourquoi tant de monde dans les métros aux heures de pointe? Et on va accueillir, donc de Alexandra. Nouveau, oui. Coralie. Non, pas... Coralie, bonsoir. Coralie, s'il te plaît, tu oui, te réveilles. Je suis là, Gérard. Bonsoir. Salut Coralie. Salut, ça va. Florence, oui, on récupère Florence. Oui. On récupère Jean-Daniel. Ciao, salut les gars, super. Sport Billy. Et Tom. Oh, yeah. Oui, salut Gérard. C'est une différence entre Gérard et Lydie. Hey, oh. Tu réponds à la question, il n'y a pas de différence entre Gérard et je sais pas quoi, ou sinon tu retournes chez toi. Il a compris qu'il devait retourner à la maison. Allez, Gérard, pose ta question, Gérard. Je crois que vous l'avez déjà posé. Alors, c'est pourquoi tant de monde dans le métro, aux heures de pointe ou dans les bus? Gérard. Oui. Parce que tout le monde sort en même temps, c'est normal. Oui, mais donnez vos noms quand vous... Alexandra. Oui. Non, mais c'est une question con, Gérard. Quoi, c'est une question con? Non, mais c'est moi logique, je... C'est implacable. Non, moi je pense que c'est une secte, c'est pour ça qu'ils se réunissent tous à 5 heures. Exactement. De toute manière, il y a autant de monde entre 5 heures et 8 heures, de 5 heures à 8 heures, il y a autant de monde dans les bus et dans les métros. Pourquoi? C'est pour mieux tripoter les dames. Tout le monde va bouffer. Exactement. T'as dit quoi, Marcel? C'est pour mieux tripoter les dames. Gérard. Marcel. Oui. Tu serais pas un obsédé? Non, pas du tout. Eh Gérard, je suis sûr que c'est comme ça que t'as rencontré Christine, c'était dans le métro. Bon, c'est bon, on parle plus d'elle, alors celui qui s'amuse à... qui recommence non, avec... Non, on a dit Martine. Non, on vient de dire Christine. Non, cherchez pas à midi à 14h, allez, hop. Christine, c'est Thierry quand Gérard Lapine. Bon, allez, tu retournes au standard, tu vas voir Gaël au standard. Ciao. Ok, super. Pourquoi moins de bus ou de métro pendant les vacances? Parce qu'il y a moins de personnes qui se déplacent, Gérard. Non, il y en a autant. Il y a des gens qui partent en vacances, Gérard. Gérard, parce que les machinistes partent en vacances. Non, mais il y a quand même autant de monde. Les machinistes partent en vacances, Gérard, c'est con ou quoi? Il y en a quand même qui partent en vacances et qui assurent quand même le... Il y en a beaucoup qui partent en vacances, qui doivent se reposer. Bah oui, peut-être, mais il y en a d'autres qui sont toujours là. Oui, mais il y en a qui partent. Ouais, mais pourquoi moins de bus pendant les vacances? Parce qu'il y a moins de bus. Ok, d'accord, je vois. Non, on passe à la 9e. Non. Et parce qu'il faut bien que les machinistes partent en vacances. Non, mais c'est logique. Mais oui, les cons. Bon, ça y est. Gérard, c'est vrai que c'est à cause de toi que la Lydie a eu un accident? Ouais, c'est toi qui... Oh, alors là! Stop! Là, les premiers vont retourner au standard. Je veux pas entendre ce mot-là sur centaine. Je veux pas entendre ce mot-là lors des débats. Les premiers au standard. Je ne vois pas pourquoi Gérard explique. Non, on n'a pas besoin de parler de Didi, alors que l'autre, il a été dire que... Pourquoi, je sais plus quoi. Alors, bah, bon, Gérard, qu'est-ce que je fais? Donc, tu le prends, tu cherches ça, tu lui dis que c'est pas la peine. Gérard. C'est pas la peine, on ne parle pas de ça pendant les débats. D'accord. C'est pas le thème du débat et je n'attaquerai jamais un sujet de débat comme ça. Keep cool, hein. Bon, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas me balancer. Ouais, t'as pas fouillé. Allez, continue, continue, Gérard. Marcel, la question suivante. Pourquoi tant d'agressions le soir après 22 heures? Pourquoi tant de... d'agressions? Bah, les mecs, ils sont en manque. Ouais. Non, mais attends, mais il y a agression et agression. Hein. Non, mais les mecs sortent à cette heure-là, surtout, donc... Ouais, mais... à 22h, il y a déjà moins de surveillance dans le métro. Oui, c'est exactement, ouais. C'est l'heure des relèves et les patati patata. Voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bah ouais. Alors, t'as la réponse, pourquoi tu poses la question? Qui? Ouais, c'est con, ça. Qui? Bah, c'est meilleur, c'est moi qui pose, on posait la question comme ça, donc on vous demandait de réagir, c'est tout. Bah voilà, on a réagi. Bon, bah c'est bien, donc on va attaquer sur la dixième. Attends, la dixième, c'est... Pourquoi moins de contrôle la journée dans les bus ou les tramways? Ça, je suis pas si d'accord avec toi, Gérard. Pourquoi? Il y a vachement de contrôle quand même, la journée. Moi, je trouve que... Ah bah, dans la journée, il y en a moins. Il y en a plus le matin que dans la soirée. Bah, non, le matin, il y a plus de monde, c'est tout. Mais dans la journée, j'en vois pas beaucoup. Maintenant, il y a personne la journée, c'est normal. C'est normal, la journée, il y a personne. Ah si, il y a moins de monde contrôlé la journée. Moi aussi, je me suis fait contrôler la journée. Mais par contre, la journée, c'est surtout des contrôleurs itinérants. Donc, ils se baladent un peu n'importe où. Alors, la onzième, donc, comme tout le monde a... pourquoi on change souvent de ligne pour aller au boulot? Et il y a juste avant une question... Attendez. Il y a juste avant une question Minitel de Berserker qui dit Gérard... Non, pardon, c'est pas Berserker, c'est Darchand qui dit est-ce que Gérard a déjà été contrôlé? Oui. Ouais. Et comment ça s'est passé? Non, Gérard, il saute par-dessus le tripode, c'est pas pareil. Raconte, Gérard. Non, mais moi, j'ai déjà été... Ils t'ont arrêté, Gérard? Moi, j'ai déjà été contrôlé plusieurs fois et je me suis pris des PV, ça c'est vrai, et je m'en cache pas. Pourquoi t'avais pas pris de ticket, Gérard? Bah parce que j'avais pas les moyens, donc je suis passé en fraude, et puis c'est tout. Oh, mais t'as payé encore plus cher, c'est con. Bah ouais, mais de toute manière, comme ils m'ont... je veux pas dire l'adresse, donc voilà. Ça t'a servi de leçon, j'espère. Bah oui, ça me sert de leçon, maintenant je me trimballe avec... Je me trimballe avec trois carnets de bus sur moi, maintenant, alors. Mais Fun Radio te paye pas la carte orange? Non, mais ça c'est problème Fun Radio, ça c'est moi qui réglera ça avec Max. Hein. Ça regarde pas les auditeurs. Et il y a juste aussi Dom sur Mitel département 75 qui dit question à la Gérard, pourquoi autant de monde pendant les grèves? Ben, je crois que... Autant de monde où? Dans les métros et les bus? Ah oui, ça c'est... Ouais, Gérard, pourquoi il y a du monde pendant les grèves? Ben oui, ça c'est ça. C'est ça que, s'ils sont mal payés, donc automatiquement, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mal payés comme machinistes. Ouais. Ça, c'est vrai, donc on peut pas leur interdire de faire grève. C'est pas la question, Gérard. La question, c'est pourquoi il y a du monde pendant les grèves? Comment ça? Réponds pas à côté, voyons. Pourquoi il y a du monde pendant les grèves? Mais du monde où? Mais où? Allez, les filles, la question, elle est posée à Gérard. S'il y a du monde, s'il y a des grèves, il y a plus de bus. Automatiquement, donc, il y a tant de monde qui attend le bus. Voilà, c'est tout. La réponse à la question, c'est ça. C'est toujours pas vous qui cherchez un cerveau. Si quelqu'un fait grève, automatiquement, les bus, il y en aura déjà moins. Ouais. Mais il y aura plus de monde qui attendra le bus. Et ça fera plus. Le premier bus sera bombé. Ça fait comme le métro. Bon, alors. Bah, et juste avant, je rappelle pour Doc, Berserker et compagnie sur Minitel que pour participer au débat, vous appelez au 0870-5000. Eh Gérard, j'avais une question. 0803-08-5000. Eh Gérard. Gérard, à toi. Ouais, Gérard. Oui. Mais je te posais, c'est vrai qu'il serait sorti avec François si ça avait été un mec? Bon, alors, je te répondrai pas à ta question, c'est pas le thème des débats. Alors, point final à la ligne. Alors, commencez pas à me brouter avec Françoise, Christine, Carole, Martine, ou ainsi de suite. C'est clair et net. Gérard, c'est qui ta nouvelle? J'en ai pas de nouvelles, voilà. Point final. Ils veulent tout savoir. Hein. Eh Gérard, c'est vrai que t'es mannequin chez Emmaüs? Non, alors pourquoi qu'un ticket ne dure pas une heure comme dans certaines villes? Qu'est-ce que tu racontes? T'as jamais le ticket avec une meuf? Non, c'est... Pourquoi que les tickets durent moins? Les pourquoi tickets de quoi d'abord? Bah, les tickets de métro ou de bus. Pourquoi qu'un ticket ne dure pas une heure comme dans certaines villes? Mais tes tickets, ils durent pas une heure. T'as pas tort. À Rennes, tu vois, et ben ça existe. Pendant une heure, t'as le droit de prendre le métro, le bus, tu te déplaces comme tu veux. Ouais. Voilà. Alors qu'à Paris, t'as un ticket, et puis pour un passe-tas, tu fais deux stations et terminé. Voilà. Ou sinon, tu peux faire... Tu fais la Grande Arche jusqu'à Vincennes avec un ticket. Ouais, c'est vrai. C'est carrément débile. Au lieu que ça dure plus longtemps, faut que tu changes de ticket si tu veux revenir sur une autre station. Et sinon, c'est un PV. Mais c'est pour nous pomper du fric. C'est Marcel à qui tu me fais penser? Non. À la moustique. Ouais, c'est vrai. Moi, il me fait penser à Antoine Decaune. Moi, il me fait penser à Gaudemont. Bon, on n'est pas là. Un petit moustique. Niel à la place de... On accueille... S'il vous plaît. Oui. On accueille Niel à la place de Sport Billy. Je crois que c'est Niel. Salut ma couille, ça va Gérard? Salut Niel. Salut Niel. Eh hey, Marcel, ça va? Ouais, bien. Pas trop chaud Gérard? Bon, on n'est pas là pour savoir si la vie des autres, comment ça se passe. Gérard, on est poli, on demande comment ça va, c'est bon. Réponds-leur, parce que sinon ils vont nous prendre la tête toute la nuit. Marcel, à toi, et ensuite j'aurai une petite question pour Gérard. Alors, on se casse le cul pour venir participer à ton débat et tu nous dis qu'on te prend, tu dis qu'on te prend la tête, putain, c'est agréable. Ouais, c'est vrai, on dit pas putain. Non, mais Gérard, il est un petit peu nerveux ce soir. On discute avec tout le monde, hein. Tu râles et quand on parle, tu râles. T'arrêtes pas de râler. Ouais, pose ta question, Gérard, allez. Oui, il y a une question Minitel pour Gérard, toujours de Boss, département 75, qui dit, Gérard, pourquoi les camions sont plus lents que les voitures? Alors, bah, ça. Qu'est-ce que tu peux répondre, là? Là, je vois pas le rapport avec les transports en commun, mais j'ai quand même... C'est un transport, hein. Attends, les routiers, mais les transports en commun, c'est pas du tout la même chose. Mais un mot derrière l'autre, ça fait des phrases, Gérard. Ouais. Tes transports en commun, c'est... Et t'as pas pris des transports en commun, t'as juste dit transport, hein. Non, mais bien sûr, parce que là, le thème du débat, c'est transport en commun, c'est pas transport routier. Bah si, toi, tu te déplaces pendant les transports de bétail. Hey, toi, si tu continues tout à l'heure, tu vas aller voir si je fais du bétail au standard. Toi. Ouais, tu vas top, super, Gérard, vas-y. Il voyage clandestinement avec les veaux. Hmm. Alors maintenant, je vais quand même répondre à la question de ce charmant jeune homme qui m'a dit. Ouais, vas-y, pourquoi que les camions roulent moins vite que les voitures, c'est ça? Ouais, vas-y, réfléchis. Ouais. Bon, déjà, ils sont limités. Ouais. Ils sont limiteurs à 80-90. Ouais, comme toi, t'es limité aussi, toi. Bon, toi, tu vas déjà aller voir Gaël au standard, comme voilà, ça tu vas pas m'énerver. Ah, voilà, la solution de facilité, toujours. Et défends-toi, Gérard, défends-toi. Voilà, non, mais il va voir Gaël au standard et c'est tout. Vas-y, bonne nuit. T'es une poule mouillée, Gérard. Ouais, c'est dégueulasse. En plus, ça sent l'entartique. Vous êtes limite. Ouais, t'es vachement limité, Gérard. T'as même pas de défendre. Comment ça, me les gonfler, hein. Mais on peut rien te gonfler. Tu racontes, on te gonfle quoi? On peut même plus rigoler. Ouais, bah, il y a rigolé. Maintenant, je réponds à la question de charmant jeune homme parce que je voudrais bien finir avec ça parce que après, on va attaquer le deuxième débat. Donc, alors, pourquoi que les camions roulent moins vite que les voitures? Donc, c'est normal. Donc, je disais qu'ils étaient limités. Comme moi. Et que les voitures ne sont pas limitées. Voilà, et donc, ils roulent plus vite. À part si on tombe sur des voitures électriques ou des espèces de petites Fiat. Fiat ou des. Même. Je sais même pas. Je pense que j'ai dû en voir une ou deux. Des pandas comme la Julie. La voiture de Julie n'est pas limitée. Non, elle n'est pas limitée. Je vais vous dire une chose. Souvent, j'en ai croisé et ça avance pas sur l'autoroute. Je suis désolé, ça avance pas. Ça fait un potin pas possible. Ça avance pas du tout. C'est comme les voitures électriques. On devrait les. Quoi comme voiture? Je défendrai ma voiture jusqu'au bout. Ma voiture roule très bien et elle roule jusqu'à 165 km. Bah, c'est Julie, comment t'es fort? Comment défends ta voiture? T'as quoi comme bagnole? J'ai pas de voiture, malheureusement. Il n'a pas de permis. Non, mais Gérard, si, c'est Gérard, il n'a pas de voiture, hein, putain. Gérard, il se déplace en roller, lui. Non, mais moi, je me déplace à pied et en transport en commun, ou de temps en temps, j'ai... C'est en ambulance qu'on déplace, Gérard. Comment? C'est en ambulance qu'on déplace. Ah, ouais. Un roller sur bouteille, Gérard. Ouais, bon. Allez, c'est bon. Donc on va attaquer le deuxième débat. On va faire la conclusion. On va changer un peu le monde parce que là ça commence. Qu'est-ce que c'est que ces débats, putain? Non, non, mais Gérard, attends quand même. Non, non, mais on fait la conclusion des transports en commun. On fait la conclusion des transports. On fait la conclusion des transports en commun. On fait la conclusion des transports. Ouais, arrêtez. Vous allez me laisser parler? Non, tu vas la fermer. On fait la conclusion des transports en commun. On met un disque et on prend d'autres gens. Voilà. Stop, on se calme. Merci. On va commencer le deuxième débat et le disque on le mettra plus tard parce qu'on va enchaîner les disques comme ça non plus. Hein. J'ai pas le meilleur mix. T'inquiète pas, Gérard. C'est bon, je vais en trouver d'autres. Alors, Alexandra, qu'est-ce que t'as pensé du débat? Les questions n'étaient pas très intelligentes. Mais c'est tout ce que j'ai pensé. Non mais attends, je vais dire une chose, normalement je devais préparer 10 questions, j'en ai fait quand même 12. Oui. Alors si c'était pas 12 questions intéressantes sur un débat comme ça, je sais pas ce qu'il faudrait. T'as réussi à faire 12 questions, waouh. Oui, le deuxième aussi, il a 12 questions. C'est la même que t'as répété 12 fois, Gérard. Et le deuxième, il a 12 questions, hein, si je vous préviens d'entrer. Non, ça c'est fou. Gérard, tu as fait beaucoup couché, pour hein. Comment 24 questions d'une semaine, Gérard, t'as fait, Qui c'est qui me parle? Vous êtes un livre ou pas? Donne ton nom, s'il te plaît. Non. Oh, c'est pas toi, tu commandes ici. Je crois qu'il y a une jeune fille qui veut parler, merci. Oui, c'est Alexandra. Oui. Tu prépares longtemps tes débats à l'avance? Je prépare pas les bafous. Et Alexandra, tu fais quoi après le débat? Comment? Tu fais quoi après le débat? Mais je fais ce que tu veux. Ouais. Mais de toute manière, elle a 17 ans, alors si tu veux faire un détournement de mineur, mon petit, c'est ton problème. Détournement de mineur, ça passe dans 15 ans. Moi, attends. Mais attends, tu m'encules. Je veux dire une chose, Jean-Daniel ou Niel ou Tom, tu restes poli, d'accord? Les mecs, tu vas pas faire croire qu'il a jamais fait ça, Gérard, en détournant au mineur. Les mecs, de toute façon, c'est Gérard qui m'intéresse. Ouais. Bah, très bien, alors. Disons que vraiment les coups de chat, tu vas être en gros ton, toi, alors. Tu n'es pas obligé d'avoir bon goût, hein. Ouais, exactement. Oh, vous vous calmez maintenant, Coralie, pour toi, le débat. Alors, moi, je partagerai un peu l'avis d'Alexandra, et puis moi, je dirais que le métro, ça se prend. On évite de les prendre aux heures de pointe, si on veut être tranquille. Et toi, ça se prend comment, toi? En plus, on risque sa vie. En plus, ouais, c'est vraiment bus, hein. Tu racontes n'importe quoi. Ouais, tu te calmes, le mec, hein. Tu risques ta vie de quoi dans le métro? Bah, y'a des bombes, là, mon pote. T'as pas entendu les attentats? Non, regardez la journée d'enfer, toi, t'as regardé la télé. Non, ça passe au Canal Plus dans pas longtemps. Mais attends, pour les mecs, c'est plus facile de prendre le métro, hein. Ouais, j'ai l'impression. Y'en a beaucoup qui font, là. Donc, Florence. Oui, alors, les questions sont connes et tu bafouilles trop. Bon, maintenant, si les questions sont connes, ma petite, hein, tu fais une chose, t'écris à la radio et tu me donnes des thèmes de débat. Mais je te préviens, avec oui, les questions... Là, j'entends rien, enfin. Mais tu fais des débats avec les questions, sauf sur le sida et le préservatif que je ne ferai jamais la nuit. Je t'en enverrai. Eh ben alors, tu fais... Ouais, tu réfléchis... Je vais t'aider parce que je t'aime bien, va. Comment? Je vais t'aider parce que je t'aime bien, va. D'accord. Eh ben, t'écris au 143 du Charles de Gaulle, 92-521, Neuilly-sur-Seine, Sedex. Ouais. Voilà. Donc, Jean-Daniel, ta conclusion... Jean-Daniel, ta conclusion, s'il te plaît. Allô? Ouais. C'est pas Jean, moi, c'est Jean-Daniel. Eh ben, c'est ce que je viens de dire. C'est Didier. Ou c'est Didier, en regardant. Eh, okay. Oh, les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Ouais, ben, je me suis lavé le cul, je me suis lavé les oreilles avec. Bon, ouais, alors, ta conclusion. Parce que le coton-tige, il sert et pour le cul et ta pour les oreilles. Ta conclusion. Bah quoi? Ta conclusion. C'est pas la peine de gueuler. Ouais, tu réponds et c'est tout. Eh, mais c'est bon, t'as vu comment tu me parles, toi? Bon, allez, dégage. Ouais, c'est bon, dégage. C'est bon, dégage. C'est parce que tu fais de la radio qu'il faut choper la grosse tête, là. Ouais, tu commences à me dégonfler, je te demande ta conclusion, je te demande pas tes règles. Je te demande un petit peu de respect, c'est trop demandé ça. Non, ouais, mais moi, je te demande une conclusion, je te demande pas à quelle heure il est, d'accord? La Constitution, elle dit qu'on a le droit, qu'on a des droits, ok? Alors, tu me respectes. Bon, allez, hop. Viel ou Niel? Non, c'est Niel. Niel. Et te laisse passer, Niel, apprends à lire. Bon, moi, je voudrais dire que pour ton premier débat, ça allait, t'es pas trop énervé. On va tâcher de continuer pour le second. Mm-hmm. J'espère que t'auras pas des questions à la con comme pour le premier. Voilà, c'est ce que j'espère. Bah, tu verras bien, les questions, c'est moi qui les prépare. Hein, ouais, bah, ouais, ça, j'ai remarqué, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Hein. Ah, c'est clair. Bah, si t'es pas content, tu fais comme Florence, c'est créé à la radio. Voilà, et tu me présentes des thèmes de débat avec tes questions. Si ça m'intéresse, je les prends. Si ça m'intéresse pas, bon, à la poubelle. Ouais, mais bon, tu vois, voilà. On a pas les questions.